Fioretti ou Petite fleur de saint François d'Assise, légende du Moyen Âge, traduite pour la première fois par Monsieur Labériche. Chapitre 7. Comment saint François passa le carême dans une île du lac de Pérouse, où il jeûna 40 jours et 40 nuits, ne mangeant que la moitié d'un pain. Le véritable serviteur du Christ, saint François, s'est montré, dans plusieurs circonstances de sa vie, comme un autre sauveur, donné au monde pour le salut des peuples, et il mérita que Dieu le Père le rendît lui-même conforme et semblable à son divin Fils. Nous avons des preuves de cette conformité dans le vénérable collège de ses 12 compagnons, dans l'admirable mystère de ses sacrés stigmates et dans le jeûne d'une sainte quarantaine qu'il passa de la manière que nous allons raconter. On était au jour du carnaval, saint François se trouvant alors près du lac de Pérouse, chez un homme qui lui était tout dévoué et qu'il avait reçu pour la nuit, il lui fut inspiré d'aller passer le carême dans une île inhabitée du lac. Pour exécuter ce projet, il pria son hôte, pour l'amour de Dieu, de vouloir bien le transporter à cette île sur sa barque, et il lui demanda de lui rendre ce service pendant la nuit du jour des cendres, afin que personne ne s'en aperçût. L'ami du saint consentit volontiers à tout, et il le conduisit à l'île, où il n'emportait avec lui que 2 petits pains. Lorsqu'il y fut arrivé, au moment du départ de son conducteur, saint François le pria instamment de ne découvrir à personne le lieu de sa retraite et de ne revenir lui-même le chercher que le jeudi saint, puis il le laissa partir. Demeuré seul dans l'île et n'y trouvant aucune habitation, il entra dans un taillis très épais, dont les broussailles et les arbustes étaient entrelacés de manière à former comme une tanière ou une petite hutte. Ce fut l'endroit qu'il choisit pour prier et se livrer à la contemplation. Ce fut là qu'il resta tout le carême, sans prendre d'autre nourriture que la moitié d'un des pains qu'il avait emporté. Ce prodige fut attesté par son ami, qui revint le chercher le jeudi de la semaine sainte. Cet homme trouva l'un des 2 pains encore entier, et il crut que le saint avait mangé une partie de l'autre, par respect pour le Christ béni qui avait jeûné 40 jours et 40 nuits sans prendre aucune nourriture. C'est ainsi que la moitié du pain qu'il avait mangé le préserva de la vaine gloire, et que cependant il eut le mérite de jeûner 40 jours et 40 nuits à l'exemple du Sauveur. Par la suite, dans ce lieu où saint François avait fait une si merveilleuse abstinence, Dieu opéra beaucoup de miracles par ses mérites, et à cause de ces miracles, les hommes commencèrent à y bâtir des maisons qu'ils habitèrent. En peu de temps il s'y forma un beau et grand village, avec un couvent de frères, qu'on appelle le monastère de l'île. Maintenant encore, les gens du village sont pleins de respect et de dévotion pour cet endroit où saint François passa le carême dont nous venons de parler. Note. On a bâti dans cet endroit une église assez grande et un petit couvent occupé par les observants, délicieuse retraite au milieu des belles eaux du lac qui baignent les murs du cloître. Le paysage est vraiment merveilleux, le lac, les barques des pêcheurs, les montagnes couvertes de bois, ces jolis villages à mi-côte et dans les vallées et le ciel. L'île est plantée d'oliviers et ne peut produire que quelques légumes. Dans une de ses extrémités, il y a un petit village habité par des pêcheurs. Il faut entendre le soir, en se promenant sur l'eau, la belle cloche du couvent, la cloche des pêcheurs, c'est inexprimable. Chapitre 8. Comment saint François, cheminant avec frère Léon, lui exposa les choses dans lesquelles consiste la joie parfaite. Note. Frère Léon a quelque chose du caractère de saint Jean. Il était le confesseur, L'ami intime de Saint François, ils ne se quittaient pas, voyageaient ensemble, pleuraient ensemble, ils ont toujours vécu appuyés l'un sur l'autre. Saint François appelait très amoureusement Léon avant la petite brebis de Dieu. Léon ne fut pas séparé de François, même dans la mort. Son corps fut déposé au pied de l'autel de son ami, canonisé et glorifié. Confère Monsieur Chavin de Malan. Fin de la note. C'était pendant l'hiver, un jour que Saint François se rendait de Pérouse à Sainte-Marie-des-Anges par un froid très rigoureux, il appela frère Léon, qui se trouvait à quelques pas devant lui, et lui dit, « Ô frère Léon, plaise à Dieu que les frères mineurs donnent à toute la terre un grand exemple de sainteté, néanmoins fais bien attention et note soigneusement que là n'est pas la joie parfaite. » Un peu plus loin, il reprit, « Ô frère Léon, quand les frères rendraient la vue aux aveugles, chasseraient les démons, ferait parler les muets et ressusciterait les morts de 4 jours, fais bien attention que là n'est pas la joie parfaite. » Et un peu plus loin encore, « Ô frère Léon, dit-il, si les frères mineurs savaient toutes les langues et toutes les sciences, s'ils avaient le don de prophétie et celui du discernement des cœurs, fais bien attention que là n'est pas la joie parfaite. » Et un peu plus loin, « Ô frère Léon, chère petite brebis de Dieu, si les frères mineurs parlaient la langue des anges, s'ils connaissaient le cours des astres, la vertu des plantes, les secrets de la terre et la nature des oiseaux, des poissons, des hommes et de tous les animaux, des arbres, des pierres et de l'eau, fais bien attention que là n'est pas la joie parfaite. » Et un peu plus loin, « Ô frère Léon, quand les frères mineurs convertiraient, par leur prédication, tous les peuples infidèles à la foi du Christ, fais bien attention que là n'est pas la joie parfaite. » Et il continua à parler ainsi l'espace de plusieurs milles. Enfin, frère Léon, étonné, lui demanda, « Ô Père, je t'en prie au nom de Dieu, dis-moi en quoi consiste la joie parfaite. » Saint François répondit, « Quand nous arriverons à Sainte-Marie-des-Anges, bien mouillés, bien crottés, transis de froid, mourant de faim, et que nous frapperons à la porte, le portier nous dira, « Qu'y êtes-vous ? » Nous répondrons, « Nous sommes deux de vos frères, vous mentez, » dira-t-il, « Vous êtes deux vagabonds qui courez le monde et enlevez les aumônes aux véritables pauvres, partez d'ici. » Et il refusera de nous ouvrir, et il nous laissera à la porte pendant la nuit, exposés à la neige, au froid et mourant de faim. Si nous souffrons ce traitement avec patience, sans trouble et sans murmure, si même nous pensons humblement et charitablement que le portier nous connaît bien pour ce que nous sommes, et que c'est par la permission de Dieu qu'il parle ainsi contre nous, ô frère Léon, crois bien que c'est en cela que consiste la joie parfaite. Si nous continuons de frapper à la porte, et que le portier courroucé nous chasse comme des fainéants importuns, nous accable d'injures, de soufflets, et qu'il nous dise, « Partirez-vous d'ici, misérable filou, allez à l'hôpital, il n'y a rien à manger ici pour vous. » Si nous supportons ces mauvais traitements avec joie et avec amour, ô frère Léon, crois-le bien, c'est en cela que consiste la joie parfaite. Si enfin, dans cette extrémité, la faim, le froid, la nuit nous contraignent de faire instance avec des larmes et des cris pour entrer dans le couvent, et que le portier, irrité, sorte avec un gros bâton noueux, nous tire par le capuchon, nous jette dans la neige et nous donne tant de coups qu'il nous couvre de plaies, si nous supportons toutes ces choses avec joie, dans la pensée que nous devons participer aux souffrances de notre béni Seigneur Jésus-Christ, Ô frère Léon, crois le bien, c'est là que se trouve la joie parfaite. Et maintenant écoute la conclusion, frère Léon, de tous les dons du Saint-Esprit que le Christ a daigné répandre sur ses serviteurs, le plus considérable est de se vaincre soi-même et de souffrir volontiers, pour l'amour de Jésus, les peines, les injures, les opprobres et les plus pressants besoins, oui, car nous ne pouvons pas nous glorifier de tous les autres dons, puisqu'ils ne viennent pas de nous, et l'apôtre a dit, qu'avez-vous que vous n'ayez reçu de Dieu, que si vous tenez tout de lui, pourquoi vous en glorifiez, comme si tout venait de vous? Mais dans la croix de la tribulation et de l'affliction, nous pouvons nous glorifier justement, car, comme le dit encore l'apôtre, à Dieu ne plaise que je me glorifie en autre chose que dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Chapitre 9. Comment saint François enseignait à frère Léon la manière de lui répondre, et comment celui-ci ne put jamais dire que le contraire de ce que voulait saint François. Dans les commencements de l'ordre, saint François se vit un jour, avec frère Léon, dans un endroit où il ne put se procurer de livres pour la récitation de l'office. Cependant, quand l'heure de matine fut arrivée, il dit à son compagnon, « Frère Léon, nous n'avons pas de bréviaire pour réciter l'office, mais pourtant il faut chanter les louanges de Dieu. Je vais dire, ô frère François, tu as commis tant de péchés dans le monde, que tu mérites d'être précipité dans l'enfer, et toi, frère Léon, tu répondras, sans changer une seule parole, il est vrai que tu mérites d'être précipité au fond de l'enfer. Et frère Léon dit avec la simplicité d'une colombe, volontiers, Père, commencez donc au nom de Dieu. Alors le saint dit, ô frère François, tu t'es souillé dans le monde de tant de péchés, que tu mérites d'être précipité dans l'enfer. Et frère Léon répondit, Dieu, par votre moyen, fera tant de bien dans le monde, que, vous irez en paradis. Saint François le reprit aussitôt, il ne faut pas répondre ainsi, frère Léon, mais quand je dirai, ô frère François, tu as commis tant d'iniquités contre Dieu que tu es digne de toutes ces malédictions, tu répondras, il est vrai que tu mérites d'être au nombre des maudits. Et frère Léon répondit, volontiers, Père. Alors saint François baigné de larmes, soupirant et se frappant la poitrine, s'écrie à haute voix, « Ô mon Seigneur, Dieu du ciel et de la terre, j'ai commis contre vous tant d'iniquités et tant de fautes que je mérite vraiment de recevoir vos malédictions. » Et frère Léon répondit, « Ô frère François, Dieu vous fera grâce, et vous serez béni entre les bénis. » Le saint, étonné de ce que son compagnon répondait ou le contraire de ce qu'il lui disait, le reprit et lui ordonna par la sainte obéissance de répéter ses propres paroles. « Je dirai, ô frère François, misérable frère François, après tant de crimes que tu as commis contre le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, penses-tu qu'il ait pitié de toi? En vérité, tu ne mérites pas qu'il te pardonne. Et toi, frère Léon, chère petite brebis, tu répondras, non, tu n'as aucun titre à la miséricorde. Mais frère Léon répondit, Dieu le Père, dont la miséricorde surpasse infiniment tous vos péchés, sera pour vous plein de clémence et il vous comblera de grâce. Alors saint François, doucement ému, lui dit, « Pourquoi donc cette hardiesse de transgresser le précepte de l'obéissance et de répondre tant de fois autrement que je ne l'ai ordonné ?»« Mon très cher père, répondit frère Léon, d'un ton humble et respectueux, Dieu le sait, J'ai voulu répéter les paroles que vous m'avez prescrites, mais lui-même me fait parler comme il lui plaît contre ma volonté. Cette fois au moins, reprit saint François étonné, réponds comme je t'enseignerai. Au nom de Dieu, répondit frère Léon, parlez, et je vous promets de vous satisfaire. Alors saint François répète avec larmes, ô frère François, petit homme misérable, penses-tu bien que Dieu te fasse miséricorde? Oui, répondit frère Léon, Dieu vous comblera de grâce insigne, il vous exaltera et vous glorifiera dans l'éternité, parce que celui qui s'humilie sera élevé. Je ne puis dire autrement, c'est Dieu qui parle par ma bouche. Ce fut dans cette lutte d'humilité que, baigné de larmes et rempli de consolations spirituelles, saint François et frère Léon passèrent toute la nuit. Markham Dan Archivorg d'après Books Google FR et Archivorg Ambroise Bray 1859 et Bray et Reto 1883. Licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.